Selon le journal d'internet sud-coréen Tongnews, le rassemblement des habitants pour la récupération parfaite de la base des troupes américaines de Ryongsan et la solidarité pour la démocratie, la vie du peuple, la réunification pacifique et la souveraineté ont tenu le 7 juin devant la base des troupes américaines à Ryongsan de Séoul une conférence de presse pour demander la paix contre la guerre et la restitution parfaite de cette base. Par ailleurs, la direction de Death Zone de l'Institut du Problème National de la Corée du Sud a organisé le 6 courant au cimetière Hyeongchun à Death Zone une réunion pour réclamer la liquidation des traîtrises et des vices contre la démocratie. Les orateurs ont dit « Beaucoup de traîtres sont enterrés au cimetière Hyeongchun. C'est la preuve que la société sud-coréenne n'a pas puni exactement ceux qui ont commis des crimes contre la nation et la démocratie.